Alors bonsoir et bienvenue pour cette conférence en compagnie de Raphaël Payeur. Tout d'abord les petites annonces. Je vous rappelle qu'à l'achat de votre billet pour la prochaine conférence de Raphaël, vous pouvez bénéficier gratuitement de la cassette de la première partie de cet entretien. La prochaine conférence de Raphaël aura lieu le samedi 17 mai à 20h. Le titre c'est « La marginalité ». Et dimanche le 18 mai, il y aura un séminaire sur la psychologie nouvelle donné par Raphaël Payeur, ici même de 10h à 18h. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Alors qu'est-ce que notre cher ami Mario Gosselin a choisi de nous entretenir en ce beau jour de la fête des mères? Aujourd'hui, les transactions ou les lois de l'échange? C'est juste. J'en parlais justement avec Mario avant d'arriver ici. Bon, je vais essayer de traiter quand même le sujet d'un point de vue génétique. Alors, Mario a toujours peur lorsque j'ai préparé la conférence et que j'arrive avec un point de vue génétique, que je vous parle de la Lémurie, de l'Atlantide, de la période de Saturne, de la période du Soleil. Bon, je vais essayer quand même d'être bref sur cet aspect-là, mais je pense que pour comprendre le phénomène d'une vie de transaction et le phénomène des lois de l'échange et les mécanismes des lois de l'échange, eh bien, il faut faire un peu de genèse. C'est-à-dire qu'il faut remonter un peu à l'origine de l'humanité. Alors, je ferai quand même pas... J'irai quand même pas jusqu'à Adam et Ève. Je vais aller jusqu'aux hommes des cavernes. Alors, la semaine dernière, on a parlé de paradoxe. Alors, je vais vous parler un peu en parabole pour commencer la conférence. Et on va remonter, donc, aux hommes et aux femmes des cavernes. Bien sûr, il faut pas être sexiste. À l'époque, on le voit venir. Je t'ai changé un bœuf contre ma femme, un couteau contre ma femme, ceci contre ma femme. Oui. Non, à l'époque de Monsieur et Madame Homo Erectus. Bon. Alors, à l'époque, je vous fais quand même une mise en scène, puisque je vous disais la semaine dernière que finalement, ce que font les conférenciers, c'est de mettre la scène, C-E, accent grave, N-E, dans une mise en scène nouvelle ou plus récente ou plus contemporaine. Alors, je vais vous faire une petite mise en scène en remontant donc dans ce passé et en le comprenant à travers une parabole, la parabole de Monsieur et Madame Homo Erectus. Homo Erectus, ça veut dire l'homme qui se relève. Hein. C'est l'homme qui, à peine, a la colonne vertébrale droite, qui est à peine un homme, si on veut. Alors, il était une fois, donc, Madame et Monsieur Homo Erectus, qui vivaient dans un petit village, évidemment, d'hommes des cavernes, avec des petits australopithèques un peu partout, et qui vivaient une vie, évidemment, de transactions et d'échanges. Alors, comment ça se passait à cette époque très reculée? Bon, il faut d'abord se mettre dans le contexte. Ça va peut-être être un peu difficile au départ, parce que, bon, c'est vraiment très reculé comme période. À l'époque, M. Payot avait même pas commencé ses symposiums, hein, ses symposiums internationaux, bon, à Montréal. M. Dussault avait même pas eu l'idée du centre de l'universalité. C'est vous dire combien ça remonte dans le temps. Et à cette époque-là, évidemment, il y avait Monsieur Homo Erectus qui, tous les midis, partait, bon, ça se passait dans les vieux pays, bien sûr, partait à la chasse chercher un tricératope ou un dinosaure quelconque pour le dîner, parce que dans les vieux pays, c'est pas le souper, c'est le dîner. Alors, il allait chercher donc un dinosaure pour le dîner. Alors, on est donc quand même un peu situé dans le contexte. Alors, notre Monsieur Homo Erectus s'en va dans la forêt chercher son dinosaure, tandis que Madame Homo Erectus restait au foyer et écoutait une émission qui commençait à être populaire à cette époque, qui commençait à toucher tout le village. Hein. C'était une émission sur l'ésotérisme expérimental. C'était donné par un certain Monsieur Richard Grenn, hein, qui a été semé à tout vent depuis. Alors, c'était une émission qui captivait vraiment toute la population du petit village, tous les petits australopithèques, puis les Madame Homo Erectus écoutaient ça avec attention, alors que Monsieur Homo Erectus était parti à la chasse. Et justement, ce jour-là, c'était un jour très spécial parce que il y avait un conférencier qui était interviewé par l'animateur qui commençait à faire beaucoup de bruit, hein, parce qu'à l'époque, évidemment, le langage était moins bien articulé qu'aujourd'hui, c'était plutôt des grognements sourds. Hein. Alors, il commençait à faire beaucoup de bruit dans sa tribu et dans tous les villages environnants. C'était celui qu'on appelait Bernard du Cro-Magnon, dit aussi Bernard de Néandertal, qui d'ailleurs se réincarnera des millions d'années plus tard pour achever sa mission. Alors, Madame Homo Erectus écoutait avec attention ce conférencier très spécial qui lui parlait d'un ésotérisme nouveau et d'une pensée nouvelle de fusion avec les plans supérieurs. Si bien que, durant ce temps-là, évidemment, Monsieur Homo Erectus a attrapé son dinosaure, il est revenu près de la caverne en criant Donalda, hein, parce qu'évidemment, il y avait un peu l'accent, Donalda, le dinosaure est arrivé. Alors, vous avez vu Madame Homo erectus, les bigoudis sur la tête, sortir de sa caverne avec les bras un peu pendants. Et puis, c'est Pierre aiguisé, parce qu'à l'époque, on n'en était pas au Téfal, hein, on en était à la pierre aiguisée. Alors, avec ces pierres aiguisées, pour aller découper sa viande et la faire cuire. À cette époque aussi, il faut dire qu'on n'avait pas le secours de la religion comme aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas de cours d'art culinaire de sœur Berthe ou de sœur Angèle, ça n'existait pas. Donc, parfois, la viande était plutôt brûlée qu'autre chose, mais enfin, faisait son possible. Alors, évidemment, Madame Homo erectus a découpé sa pièce de viande, a commencé à la faire tourner sur la broche, enfin sur une branche, et pour la faire cuire, alors que les petits australopithèques, eux, ont allumé le feu. Tandis que M. Homo erectus, qui avait bien travaillé, s'est assis au pied d'un arbre en lisant la meilleure revue de l'époque, L'Essentiel, qui était arrivé avec un très grand retard à sa caverne, mais c'est pas grave, il l'avait quand même reçu. Et l'histoire, donc, se poursuit comme cela, et finalement, bon, Donalda appellera son séraphin pour venir manger la viande qu'elle lui a préparée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette préhistoire, hein, je vous le dis, avant le Centre d'Universalité, avant au Symposium, donc dans la préhistoire, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il se passait une relation d'échange, des lois d'échange entre les individus qui étaient basées sur des échanges de services. Parce que là, je vous ai pas parlé de la vaisselle, hein, parce que je sais que c'est dangereux d'en parler avec vous. Je vous ai pas parlé de la vaisselle. C'est ni Madame Homo erectus, ni Monsieur Homo erectus qui ont fait la vaisselle. Il n'y avait pas de vaisselle. Vous vous rendez compte? Alors, les besoins étaient très limités dans cette humanité. Bon, évidemment, toute relation avec des personnages connus ou des faits authentiques est le fruit du hasard. Hein. Depuis toutes ces années que nos scientifiques nous ont prouvé et démontré avec exactitude que tout n'est que le fruit du hasard, on n'ira pas dire qu'il y a des choses à ranger là-dedans. Donc, c'est par hasard si vous voyez des parallèles. Pourquoi je vous parle de cette parabole? C'est simplement pour vous indiquer qu'au départ, à l'origine de l'humanité, eh bien, les gens avaient des besoins qui étaient très limités, qui étaient orientés surtout sur la satisfaction de leurs besoins vitaux. De telle sorte qu'il n'y avait pas tout cet appareillage qu'on connaît autour, et c'était des échanges de services qu'on faisait. Alors, comme il n'y avait pas une diversification dans l'activité humaine, eh bien, les services étaient très limités. Évidemment, c'était d'aller à la chasse, c'était de préparer le repas, de telle sorte que c'était équitable. Les petits allumaient le feu, hein? Madame Homo erectus faisait tourner sur la broche et puis Monsieur Homo erectus attrapait le tricératops. Donc, c'était tout à fait équitable. C'était une façon d'avoir des lois d'échange entre soi. Ça vous fait peut-être rire, mais c'est très important de situer la première étape dans l'histoire de l'humanité. Si on remonte dans une genèse, qu'on veut pas trop être plate, eh bien, à l'intérieur de ça, à l'intérieur d'un cadre d'échange de services. Plus tard, les besoins se sont diversifiés. On a commencé à vouloir manger son morceau de dinosaure dans une assiette, pas sur le sol. Ouais. Alors, pour avoir des assiettes, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que des gens n'aient pas à la chasse et fassent des assiettes. Mais ceux qui n'allaient pas à la chasse, ils avaient besoin de manger. Alors là, on a commencé à faire une spécialisation dans les professions. Alors, il y a eu des potiers, il y a eu des chasseurs, il y a eu des gens dans différentes fonctions. Et finalement, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à vivre des lois d'échange différentes. Ce n'était plus seulement au niveau des services, ce n'était plus seulement dans le cadre très limité de leur famille, mais c'était dans une échelle beaucoup plus grande qui s'étendait à tout le village. Et alors là, on a commencé à faire ce qu'on appelle du troc. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, une personne avait besoin d'une assiette, alors que l'autre avait besoin d'un couteau. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? C'était simple. Il donnait l'assiette, puis il prenait le couteau. Alors, c'était basé sur quoi? C'était basé sur la valeur d'usage. Je vais vous parler un peu en termes marxistes parce que, bon, j'ai une formation en philosophie, puis j'ai beaucoup étudié Karl Marx, donc ça ressort toujours un peu. C'était une valeur d'usage à ce moment-là. Donc, essentiellement, si on troquait des objets, c'était pour l'usage que ça nous apportait, pour l'utilité que ça nous apportait. Donc, c'était une valeur d'utilité. Et pendant des siècles, des millénaires, l'homme a échangé comme ça des objets considérant la valeur qu'ils avaient d'utilité dans les fonctions de leur vie de tous les jours. Alors comme ça, on a évolué progressivement. Et c'est en Grèce qu'est apparue une toute nouvelle forme d'échange pour nous occidentaux. Évidemment, ça existait, moi j'en parlais tout à l'heure également avec Mario, ça existait en Égypte, ça existait dans d'autres contrées. Mais c'est en Grèce que pour nous, ça s'est vraiment concrétisé. Et tranquillement, le troc a évolué. Parce que la Grèce, bon, si on fait un petit peu de géographie, la Grèce est placée sur un plan géographique, un endroit très, très particulier. où il y a des contacts très faciles. Bon, d'abord avec l'Égypte. Bon, alors sous Psamétique 1, en 650 avant Jésus-Christ approximativement, les échanges commerciaux ont été très augmentés entre la Grèce et l'Égypte. D'où le fait que les Grecs sont devenus des philosophes, sont devenus des enseignants, sont devenus des instructeurs, parce qu'ils ont reçu leur enseignement, bon, des anciens maîtres égyptiens. Solon, plus tard, d'autres philosophes grecs. Alors, ils ont reçu ça par des contacts commerciaux qui se sont accélérés. Ensuite, avec les Babyloniens. Ensuite, avec les Indiens, les Chaldéens, les Mésopotamiens. Alors, c'est là qu'on a appris l'astronomie, qu'on a appris, bon, ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie, qu'on a développé des calendriers très, très précis. Les Mésopotamiens avaient des calendriers très précis. Et tranquillement, on a fait beaucoup de trocs entre ces diverses nations. Et c'est là que dans la culture humaine s'est introduite d'autres choses qu'une valeur d'usage. C'est-à-dire on voyait un bel objet qui arrivait d'Égypte ou qui arrivait de Mésopotamie, et puis on voulait l'avoir pas nécessairement parce que ça avait un usage pour soi, mais parce que c'était beau ou parce que c'était esthétique. Et tranquillement, on a commencé à développer une pensée qui n'était plus seulement axée sur la valeur d'usage, mais qui commençait à être axée sur une autre valeur. En même temps, faut vous dire que il y avait du troc qui se faisait avec les Babyloniens, avec les Phéniciens, et puis on avait commencé à mettre l'emphase sur une matière plutôt qu'une autre. C'était l'or. Bon, il y a eu le sel aussi dans les histoires des trocs, mais c'était l'or essentiellement. Donc, on commençait à évaluer un objet par rapport à sa valeur en poids d'or. Et déjà, on commençait à échanger, donc en Grèce, avec les Phéniciens notamment, des objets contre des poids d'or ou des poids d'argent, qui d'ailleurs, comme on le verra tout à l'heure, ont une valeur symbolique très importante. Et l'or, aujourd'hui, est encore un symbole de cette relation d'échange entre des gens, un symbole de l'argent. On verra tout à l'heure en quoi. Et c'est vers 700 avant Jésus-Christ, toujours pour éviter les données historiques, c'est 700 avant Jésus-Christ environ que les rois de Lydie vont commencer à développer un système monétaire qui est semblable au nôtre. C'est-à-dire qu'ils vont émettre des pièces de métal estampillées, garanties d'une certaine valeur. Là, l'humanité va changer du jour au lendemain. Et très rapidement, toute la Grèce va s'étendre ce nouveau système d'échange, qui est le système monétaire, et la pensée de l'homme va être changée. Si vous étiez philosophe, si vous étiez historien de la pensée, que vous vouliez savoir quand est-ce que s'est produit ce que certains auteurs ont appelé le miracle grec, c'est-à-dire que, bon, ça ferait plaisir à bien des gens, le logos, la pensée, a été extirpé du mythe, de la mythologie, a commencé à être rationnel, hein, commencé à pouvoir s'exprimer de manière logique, sans l'intervention des mythes, des dieux, ces choses-là. C'est à cette époque. Alors, à cette époque, il y a des conséquences très grandes. Parce que ce n'est plus la valeur d'usage. Ça devient une valeur d'échange. Ce n'est plus une valeur qualitative. Bon, un verre, ou un poteau, hein, un verre, ça a une valeur qualitative. C'est-à-dire que Vous prenez ce verre, vous le troquez contre un autre objet, la personne va pouvoir s'en servir, puis elle va le prendre pourquoi? Parce qu'elle en a besoin, selon la qualité du verre, qui est d'avoir un contenu. Cependant, à partir de ce moment-là, on s'intéressera plus tellement à la valeur d'usage de l'objet en question, mais à la valeur d'échange. Combien ce verre vaut de pièces estampillées des rois de Lydie? C'est ça qu'on va se poser comme question. Il en vaut 10. Alors, qu'est-ce que ça va être, ce verre? Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Ça ne sera pas un contenant pour y verser un liquide. Ça va être 10 pièces, par exemple, à l'époque. Bon. Alors, on change complètement la mentalité et ça aura des conséquences très graves. Des conséquences qui seront positives, on va les analyser rapidement, des conséquences aussi qui seront négatives. D'abord, ça change au niveau de la bourgeoisie. Parce que à l'époque, la bourgeoisie, ben, c'était Monsieur Homo Erectus qui avait son petit terrain. Hein, puis si quelqu'un entrait sur son terrain, il l'assommait, il allait le mettre un peu dans la forêt, et puis le premier Tyrannosaurus Rex qui passait l'avalait. Hein? Bon, alors ils pouvaient se débarrasser très rapidement des gens qui les importunaient. Donc c'était une valeur terrienne. Pourquoi? Parce que c'était encore une valeur d'échange. Son terrain, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait un potentiel pour la chasse. Il représentait, un peu plus tard, un potentiel pour l'agriculture. Donc, sa terre, c'était pas une valeur abstraite. C'était quelque chose de très concret avec une fonction très précise. Alors, évidemment, la bourgeoisie était fondée sur les terrains. Alors, le nombre de terrains qu'un individu avait, la grandeur de terrain qu'il pouvait protéger avec, bon, sa famille, plus tard une armée, bon, c'est les rois, c'est l'installation des nations, originellement, eh bien, ça faisait sa valeur. Donc, il y avait une bourgeoisie terrienne et une bourgeoisie je vais employer un mot qui va vous faire frémir, traditionnel. Hein? Une bourgeoisie tout à fait traditionnelle, dans le sens où c'était de père en fils que c'était légué. Et ils étaient soutenus par une certaine forme d'éducation, par une certaine forme d'instruction. Ils étaient vecteurs de ce qu'on appelle, si on veut, la tradition. Mais du jour au lendemain, cela change. Du jour au lendemain, il y a une nouvelle bourgeoisie qui émerge tranquillement, basée sur quoi? Sur la possession d'argent. Et c'est une bourgeoisie qui sera mercantile, qui sera basée sur le commerce. C'est pourquoi les philosophes grecs, si vous les lisez un jour, c'est encore pertinent, comme Platon, vont avoir horreur des commerçants, en disant qu'il n'y a rien de pire qu'un commerçant parce qu'il ne fait rien. Il ne fait que de l'échange. Hein? Et il ne fait que remplir, finalement, ses coffres avec de l'argent qu'il va faire au détriment de ses échanges, au détriment des deux personnes, celle qui reçoit puis celle qui donne. Bon, évidemment, c'est une vision qui est peut-être un petit peu négative, mais il faut comprendre à l'époque que des philosophes comme eux ne voulaient pas changer, ne voulaient pas passer de l'ancienne bourgeoisie traditionnelle à une bourgeoisie mercantile. Pourquoi ils refusaient le commerce, ils rejetaient le commerce? Mais enfin, tout ça pour vous dire que ça change sur le plan social, ça change sur le plan psychologique aussi. Parce qu'autrefois, un homme qui était de haute morale, qui avait une valeur psychologique, c'était un homme qui, par exemple, était courageux, qui était capable d'affronter le dragon. D'ailleurs, ça nous est resté dans nos systèmes traditionnels, d'affronter le dragon, d'affronter les bêtes sauvages, etc., et puis qui avait du courage. Très tôt, ça ne sera plus ça. Très tôt, ce sera celui qui a de la richesse, hein, qui peut dispenser d'une certaine quantité d'argent. Donc, tranquillement, la morale va changer, la psychologie va changer. Et pourquoi je vous fais passer à travers l'histoire, même si des fois c'est un peu pénible? Eh bien, c'est pour vous montrer que aujourd'hui, bon, tout à l'heure, on va prendre des exemples très concrets au niveau de l'argent, par exemple. Aujourd'hui, on a ça entre les mains, mais on pense qu'on a toujours eu ça. Et on pense que notre psychologie du 20e siècle et que notre société du 20e siècle, que notre système de valeurs du 20e siècle qui dit « toi, t'as de l'argent, alors tu vaux quelque chose », on pense que ça a toujours existé. Alors que ça apparaît dans l'histoire de l'humanité à une époque très précise, des raisons précises, que j'essaie de vous tracer rapidement. Donc, pour résumer, on passe d'une économie traditionnelle avec une valeur d'usage, une valeur très concrète, à une nouvelle économie mercantile avec une valeur d'échange. Et alors là, on ne dit plus « j'ai chez moi trois verres, quatre couteaux, cinq services de vaisselle à vendre ». On dit « j'ai de la marchandise ». Mais bon, on ne tient plus compte de la qualité, puis c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on a tant de Kaamelott dans les magasins. Je vous en ai nommé un par erreur la semaine passée. Et, donc, on a tellement d'objets qui n'ont pas de qualité parce que le commerçant, comme le producteur, c'est pas la qualité qui l'intéresse, c'est la marchandise. On n'a plus un rapport de qualité, on a un rapport de quantité. Alors, on commence à vivre sous le règne de la marchandise. Mais ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'économie autour de nous, comme on va l'expliquer tout à l'heure, influence énormément les pensées des hommes. Je vous sors une citation que j'ai tirée de Karl Marx. Karl Marx, qui a fondé le marxisme, comme vous le savez, qui n'a rien à voir avec les gens qui vous arrêtent sur la rue Sainte-Catherine avec un petit journal marxiste-léniniste. Ça n'a rien à voir avec Karl Marx. Karl Marx aurait des frissons terribles s'il voyait ce genre de marxiste, pseudo-marxiste. Mais enfin, Marx, par exemple, avait écrit ceci. « La production des idées, vous allez voir, c'est fort, des représentations et de la conscience est d'abord directement et intimement lié à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes. » Pour lui, et c'est d'ailleurs ça que les dominicains, par exemple, vont reprendre pour fonder leur nouvelle théologie, que la pensée moderne va adopter, sans nécessairement le dire, mais de manière implicite, on pense maintenant que ce qui influence l'homme, c'est ses conditions économiques. Alors, vous naissez dans un milieu défavorisé, vous allez avoir une pensée qui va s'orienter de telle manière. Dans un milieu bourgeois, votre pensée va s'orienter de telle manière, etc. Donc, on reconnaît que les échanges, les lois d'échange et les transactions dans la vie d'un homme fondent et forment ses idées, forme ses pensées, forme son idéologie. Je vous donne un exemple très concret autour de ça, qui est en rapport justement avec cette valeur d'échange. Pour dire qu'un objet aujourd'hui, peut-être que ça vous paraît abstrait, là, mais vous allez voir, c'est très concret, l'objet aujourd'hui, pour nous, ça n'a plus de valeur d'usage, ça a une valeur d'échange. Prenez l'exemple des patates produites au Nouveau-Brunswick. Si vous avez écouté l'informateur cette semaine, on a appris qu'un groupe à Montréal, Moisson Montréal, ont récupéré 50 000 livres de patates qui devaient être détruites. Pourquoi? Parce que les patates, ça vaut rien. On s'intéresse pas de savoir si les patates permettraient à des gens de vivre, permettraient à des gens de les nourrir, etc. Non, les patates ont une valeur d'échange. Et si le marché, il y a trop de patates pour la demande, ben qu'est-ce qu'on fait? On lâche la patate. C'est-à-dire qu'on élimine 50 livres de patates. Et puis ça nous dérange pas du tout que des gens meurent de faim autour de nous, pas du tout. Parce que si on les détruit pas, ces patates, le marché va baisser encore. Vous savez comment on n'a pas payé cher les patates cet hiver. Hein? Si vous regardez un peu les prix, vous allez voir, c'était pas cher. Eh bien, c'est donc pour ça que c'est parce qu'il y a un surplus et qu'on est obligé dans nos lois d'échange modernes qui sont basées sur la valeur d'échange de retirer ces patates et de les détruire. Ça, c'est un exemple concret d'une conséquence désastreuse de cette valeur d'échange. Parce que c'est devenu tellement une abstraction que les objets en eux n'ont plus de valeur. Bon, vous connaissez la même histoire pour les œufs. Hein? À un moment donné, il y a trop d'œufs. Même si il y a des gens qui meurent de faim, on va tous les détruire. On va les casser. Ça fait pas de sens lorsqu'on y pense une minute, mais ça fait un sens dans un système qui est basé sur la valeur d'échange. Donc ça, c'est une première conséquence de cette transformation des relations d'échange entre les hommes. Qui est une conséquence négative fondée sur le fait que, bon, on ne reconnaît plus du tout la valeur d'échange d'un objet, on en vient à les considérer comme simplement de pures abstractions, comme une marchandise, peu importe sa destination, son rôle, sa fonction, ainsi de suite. C'est ce que d'ailleurs Protagoras, un philosophe pré-socratique, disait déjà lorsqu'il disait « l'homme est la mesure de toute chose ». Alors, c'est l'homme qui se présente comme la mesure de toute chose et qui va dire, ben ceci, ça vaut 39 cents ou ça vaut 59 cents, peu importe quelle est l'implication, peu importe si ça va faire vivre des gens ou bien si ça n'a aucune utilité ou que ça va en rendre malade, comme de l'alcool, des cigarettes, des choses comme ça. Ça n'a pas d'importance. C'est chiffré en termes de dollars, d'US dollars, etc. Bon. C'est ce que Protagoras disait déjà. L'homme est la valeur, et la mesure de toute chose. Ça a conduit à quoi? Ça a conduit à une philosophie du relativisme, ça a conduit à la philosophie existentialiste qu'on connaît, hein, où l'homme n'est qu'une pulsion inutile, où tout est relatif, où on n'a pas de but dans la vie, de toute façon, tout est conduit à l'échec. Bon, on est dans une pure relativité, dans une échelle de valeur qui est totalement conventionnelle. Et comme c'est conventionnel, ben ça, ce n'est pas comme, par exemple, dire... comme mes grands-parents le disaient à mon père et à ses frères et à ses sœurs, lorsqu'ils laissaient un petit peu de pain ou de patates, prenons l'exemple des patates parce que ça arrivait, lorsqu'ils laissaient un peu de patates dans leur assiette, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Ils leur disaient, c'est péché de laisser des patates dans votre assiette, c'est une nourriture, bon, ça vient du bon Dieu. Alors la valeur, ce n'est pas l'homme qui lui donne. Peu importe qu'ils auraient payé les patates chères ou pas chères, qu'ils étaient riches ou pas, ça n'a aucun sens, c'est que la valeur des patates était donnée par quelque chose d'au-delà de l'homme, par Dieu ou par une instance quelconque, qui faisait que la patate avait une valeur sacrée, une valeur de nourriture, et c'était donc important à ce niveau-là. Alors que quand tout devient conventionnel, eh bien, on peut, par nous-mêmes, statuer de la valeur ou de la non-valeur d'une chose, et ça devient tellement relatif que progressivement on perd le sens justement de la valeur réelle. Alors ça, c'est une conséquence négative. Je m'arrêterai là sur les conséquences négatives puisque je pense que vous saisissez quand même le sens de tout cela. Il y a eu quand même une conséquence très positive. Et ça va nous amener au sujet de la conférence de ce soir, c'est-à-dire les lois d'échange et les transactions dans la vie. La chose positive qui est sortie de cette création de la monnaie, de cette création, autrement dit, de l'argent, c'est l'abstraction. C'est à partir de ce moment-là, je vous disais tout à l'heure, que le logos de l'homme se libère du mythe, dans le sens où l'homme ne verra plus des dieux se battre ou n'utilisera plus l'imagerie mythologique. Bon, c'est peut-être un drame, mais c'est peut-être une utilité aussi. N'utilisera plus l'imagerie mythologique pour s'exprimer, mais simplement le logos, l'abstraction. Ça ira très loin, ça. Ça ira tellement loin que Parménide, par exemple, ne sera plus du tout intéressé, bon, c'est encore en philosophie grecque, ne sera plus du tout intéressé aux êtres. Il va dire tout ce qui doit intéresser le penseur, c'est l'être. C'est différent, l'être puis les êtres. Alors, tranquillement, on va aller vers l'abstraction. Et on va entrer, là, vous pensez que je vous parle de l'histoire de la philosophie, mais regardez comment on vit aujourd'hui. On parle d'atomes. Ça n'existe pas, un atome. On parle de cercle. Hein? Je suis convaincu que même si vous ne faites pas de la haute philosophie, à un moment donné, dans une discussion, vous allez parler d'un cercle. C'est faux. Et ça n'existe pas, un cercle. Essayez de faire un cercle, ça n'existe pas. Il y a une idée de cercle, il y a une abstraction de cercle. Alors ça, ça nous vient de cette époque-là. Avant, on n'aurait pas pu parler d'un cercle, on aurait fait ça. Hein? On aurait tracé quelque chose. Mais là, c'est différent. On parle de l'idée d'un cercle, on parle de l'idée d'un atome. Parce que l'atome de Rutherford, je l'ai déjà dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf que c'est pratique dans la discussion, en tout cas. Hein? C'est une idée qui devient plus réelle que les choses qui nous entourent. C'est ce que Platon et Aristote ont appelé respectivement l'idée puis la forme. Hein? Alors eux, ils vont parler de l'idée de quelque chose ou de la forme de quelque chose comme étant plus réelle que la chose elle-même. Alors ils vous parlent d'un cercle en géométrie, on parle d'un cercle. En géométrie, on parle du point géométrique. Ça n'existe pas, un point géométrique, ça n'a pas de dimension. Hein? Puis c'est plus réel que les dessins que vous allez faire sur votre tableau, qui sont des approximations de cercle, des approximations de triangle. Comme lorsque vous parlez d'un homme, c'est une approximation d'homme. Ça ne répond pas à tous les critères que vous faites de ce qu'est un homme. Bon. Ceci étant dit, avec l'apparition de l'argent, coïncide l'apparition dans la pensée de l'homme de l'abstraction. De l'abstraction qui va tranquillement prendre une place prépondérante dans sa vie, de telle sorte que l'homme en viendra à accorder une plus grande importance au plan invisible qu'au plan visible. Et tout sera reporté dans l'invisible, alors évidemment dans une vie future, ou comme chez Platon, connaître, ça va devenir se ressouvenir de choses qui ont été vues dans le passé, dans les plans supérieurs. Alors on va tout reporter à l'invisible. C'est donc un mouvement qui est très positif, parce que, donc à partir du 7e siècle, à peu près avant Jésus-Christ, on va axer de plus en plus notre conscience, non plus vers les choses visibles, tangibles, mais vers des choses invisibles. Et on va parler en termes, justement, d'argent. On va parler en termes de valeurs abstraites. On va parler en termes de billets de banque, comme on le verra tout à l'heure, qui sont en fait des symboles, qui sont essentiellement des symboles et qui n'ont pas de valeur comme telles. Ceci étant dit, cet aspect étant positif, on peut maintenant parler peut-être du nœud ou du centre de l'exposé de ce soir, de l'argent. L'argent, évidemment, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est un sujet qui est très important, qui est traité de manière plus ou moins partielle et plus ou moins partiale, d'un côté par les spiritualistes, de l'autre côté par les non-spiritualistes, et on lit un livre, on lit un autre livre, on entend un auteur, on entend un autre auteur, et puis là on se demande, mais où est-ce qu'on en est? Puis qu'est-ce que c'est que de l'argent? Première constatation qu'on peut faire lorsqu'on parle de l'argent, c'est que c'est un pouvoir d'achat. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, aujourd'hui, on parle en termes de pouvoir d'achat. Cet argent étant pouvoir d'achat, nous permet de nous procurer les objets de tout à l'heure sans avoir besoin de faire de troc, simplement à partir de ce symbole qui est le papier monnaie qu'on a entre les mains. Mais d'un point de vue ésotérique, c'est différent. Durant l'émission de télévision, tout à l'heure, dans la grotte de notre village, le conférencier était justement à dire « Je vais chez Eaton comme tout le monde. Hein? » Bon, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'un ésotériste, et à plus forte raison, évidemment, quelqu'un qui a une conscience supérieure, un ésotériste, lorsqu'il va chez Eaton, et puis qu'il va payer, sa cravate, ses bas culottes, à la caisse. Et puis que la petite caissière ou le petit caissier, soyons pas sexistes encore une fois, lui remet son change. Eh bien, l'ésotériste, l'homme ordinaire va prendre son change, va le mettre dans ses poches. L'ésotériste, il va faire quelque chose de différent. Il va prendre son argent qui lui arrive dans ses mains, il va regarder ça, puis il va réaliser que ce qu'il a entre les mains, cette monnaie, d'abord est symbolique, ensuite est talismanique, ce que je vais vous expliquer maintenant, et ensuite, cet argent-là représente non seulement un pouvoir d'achat, d'une pacotille qui est allée acheter au comptoir, mais représente un pouvoir d'action. Or, qu'est-ce que l'argent, à l'intérieur du système de transaction et à l'intérieur du système de la loi d'échange, c'est un pouvoir d'action. Voilà ce qu'est de l'argent. Si on saisit cela, eh bien, on comprend beaucoup de choses. Hein? On comprend que l'argent est la chose la plus essentielle dans la vie des hommes. Parce que c'est ce qui leur permet d'agir. Sans argent, j'aurais pas pu venir ici, quoique j'ai rien payé jusqu'à date pour venir. Mais normalement, on se déplace pas en faisant sans argent. On fait rien sans argent. On n'a pas de pouvoir d'action. Hein? Et combien il y a de gens aujourd'hui qui, pour des raisons pseudo-spiritualistes, vont avoir une horreur, et je dirais, pour être plus fort, une sainte horreur de l'argent, hein? Et qui vont dédaigner cette substance hideuse. Qu'est-ce qui se passe? Progressivement, parce qu'ils la dédaignent, ils en manquent. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme, spiritualiste ou non, manque d'argent? Ben, il est arrêté dans son action. Bon, alors, il est arrêté dans son action et ne peut plus opérer. Alors que cet argent-là est en fait une force universelle qui existe au même titre que l'amour, au même titre que la volonté. On a souvent dit l'amour, la volonté, la miséricorde, la douceur, tout ça, ce sont pas des facultés qui appartiennent à l'homme, c'est des énergies qui passent en l'homme. Mais l'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est une énergie qui passe en l'homme, qui lui permet d'agir. C'est donc une énergie qu'on appelle en occultisme l'astral. L'argent, c'est une substance astrale que l'on peut, certains auteurs parlent de ancrer, que l'on peut capter pour l'utiliser. C'est une substance qui est ni bonne ni mauvaise, c'est une substance qui peut être orientée par l'intellect, orientée par le cœur aussi, dans une direction qui est précise. Alors, il faut l'ancrer. Comment on l'ancre? Tout à l'heure, si j'ai le temps, à la fin de l'exposé, je vais vous parler du nouveau 5 $ canadien, sinon je vais vous en parler après la pause. On l'ancre par le papier-monnaie. Alors, on imprime des billets de banque. C'est toujours ce que je me disais lorsque j'étais jeune. Comment se fait-il qu'on peut manquer d'argent? Ils ont juste à en imprimer, le gouvernement. À la limite, c'est vrai. J'ai un ami à Sherbrooke qui dit « L'argent pousse dans les arbres ». Parfois, j'ai envie de lui dire « Ça serait le temps d'en cueillir hein? ». Mais il a principalement raison. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent partout dans l'univers. C'est la substance astrale même qui nous entoure. Et on peut la capter. Bon, un moyen, c'est d'imprimer donc de l'argent. Ça la fixe. C'est un espèce de talisman. Au même titre que ce que les jeunes appellent aujourd'hui un carnet de chèques. Hein? Dans le temps ancestral, c'était des talismans qu'on faisait. On allait au temple se procurer les objets dont on avait besoin. Et puis ensuite, on traçait avec des encres très précises, des plumes très précises, sur du papier parchemin très précis, des symboles, hein, comme on l'enseigne d'ailleurs dans les séminaires à Sherbrooke, des symboles précis qui attiraient certaines énergies. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On sort de ses poches un carnet de chèques qu'on n'a pas pris au temple, mais qui va finir par aller au temple. Hein? C'est un peu le contraire, qu'on a pris à la banque. Alors, on l'ouvre et puis on écrit la date, évidemment, c'est légal. Ensuite, on écrit, bon, à l'ordre de François Payotte, la somme de 1,87 $, j'ai pas plus dans mon compte, hein, faut m'en vouloir, faudrait remonter mon salaire au travail. Bon, et ensuite, vous signez. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez votre papier chèque, qui est un talisman, vous mettez les griffes voulues, hein, comme on enseigne dans la tradition occultiste, à prendre un papier parchemin et à mettre le sceau d'un ange ou une griffe quelconque. Bon, alors, vous mettez votre sceau, votre griffe, qu'est-ce qui se produit? Bien, ce papier, de par le fait que vous avez mis des graffitis curieux, hein, puis vous savez combien il y a des gens qui ont des signatures bizarres, de par le fait que vous avez fait une graffiti dessus, que vous avez écrit dessus, il devient une valeur. Alors, votre petit bout de papier, bon, vous pouvez l'évaluer, un quart de cent, quelque chose comme ça. Tout à coup, il peut valoir 10 000 $ il peut valoir 50 000 $ Pourquoi? Parce que vous avez pris, bon, évidemment, là, c'est dans votre compte de banque, mais vous avez pris de l'argent qui était disponible dans l'invisible, dans le cosmique, vous l'avez fixé, vous l'avez attiré, vous l'avez consacré sur un bout de papier, comme on attire, comme on conjure les forces d'un ange sur un talisman. Et quand vous avez fait ça, votre bout de papier, vous le donnez à quelqu'un, il vaut 10 000 $ ou 1,87 $. Donc, c'est par le biais de la talismanie, si on veut, que l'on peut capter ces forces, qui évidemment ont passé, je le répète, dans notre compte de banque. Je viens de lire une dizaine de livres sur les Templiers. Je prépare des choses là-dessus. Et dans tous les livres sur les Templiers, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ont inventé les chèques, les lettres de change. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les Templiers ont inventé les chèques et les lettres de change? Bon, si les Templiers existaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils auraient inventé? Les transferts bancaires par ordinateur. Qu'est-ce que le Templier voulait faire? Il voulait, encore une fois, et de façon encore plus forte, parce qu'il en avait reçu une mission particulière des plans célestes, il avait pour mission d'accélérer l'abstraction de l'argent. Il avait pour mission d'accélérer l'abstraction de l'argent de telle sorte que les gens, bon, on a dit, c'est parce qu'il y avait beaucoup de brigands en Europe, et puis les gens qui se déplaçaient d'une ville à l'autre, ils se faisaient piller. Alors, ils laissaient ça dans les commanderies templières. Bon, ça, c'est la raison exotérique. Hein, il faut quand même aller un petit peu plus loin que ça. Se rendre compte que c'était pas juste ça. C'était le fait que des gens, à un moment donné, n'avaient rien sur eux. N'avaient pas de sac d'or encombrant. N'avaient rien qui représentait une valeur quelconque, mais ils avaient des papiers, ils avaient des engagements avec les Templiers qui faisaient qu'ils étaient riches. Ça, c'est intéressant. Et c'est pourquoi les Templiers ont accéléré cette force, pour progressivement rendre de plus en plus cette valeur monétaire, ce fluide astral, abstrait, au point où on le désincarne complètement. Et que ça devienne, comme aujourd'hui et dans les jours, et dans les années qui viendront, ce sera de manière de plus en plus explicite, simplement un fluide électrique, électronique qui passe d'un ordinateur à l'autre. Vous vous rendez compte? L'argent, ce sera plus que de l'électricité, que de l'énergie subtile qui va passer sur les plans invisibles, et vous allez avoir un pouvoir d'action qui va correspondre à une colonne de chiffres dans votre carnet de banque, et ce pouvoir d'action va vous permettre de faire telle et telle chose. Vous ne verrez jamais de l'argent. On a critiqué parce qu'il y a des petites bandes informatisées sur le nouveau billet de 5 $. On dit, ils vont essayer de nous avoir dans leur ordinateur central, contrôler nos dépenses, etc. C'est pas du tout ça. Ils vont réussir à spiritualiser, permettez le mot, l'argent pour la rendre tout à fait électrique, tout à fait énergétique. Et que ça devienne, encore plus qu'à l'époque des rois de Lydie, ça devienne une pure, et vraiment une pure abstraction. Donc ça, c'est un peu la tendance vers laquelle on va. Maintenant, ça règle pas notre problème parce que, je vous le dis, on fait un talisman avec un chèque, mais c'est pour ça, il faut avoir de l'argent dans son compte de banque. Et c'est là le problème. C'est d'avoir de l'argent dans son compte de banque. Ça dépend de l'attitude de pensée des hommes. Vous avez eu un mouvement qui s'est amorcé avec un grand initié qui est très connu dans le public aujourd'hui, qu'on appelle le Tibétain. Un mouvement qui s'est amorcé avec notamment Alice Bailey, l'Arcane School, plus tard le Lysistros, où le Tibétain a enseigné quelque chose de très spécial. Parce que vous savez, le Tibétain représente les sages de l'Himalaya, donc les sages de l'Orient, donc les plus élevés dans le fameux détachement du plan matériel et de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus spirituel qu'un gourou de l'Himalaya? Le maître tibétain représente donc cette pensée pour nous occidentaux, c'est évident. Or, qu'est-ce qu'il enseignait le maître tibétain dans les dernières années de son intervention avec la Lysistros? Il leur enseignait à méditer pour financer la hiérarchie. Évidemment, c'est une belle phrase, c'est un peu comme les écoles célestes, etc. C'est une très belle phrase de dire que c'est pour financer la hiérarchie, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de méditer pour attirer de l'argent. Or, ça, c'est une hérésie des plus profondes dans notre monde spiritualiste chrétien que de prier, c'est-à-dire d'utiliser des moyens spirituels pour avoir des choses matérielles. Hein? Mais le Tibétain l'a enseigné, lui, le grand spiritualiste. Pourquoi? Parce qu'il savait que si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on va se retrouver sur le bien-être social. Puis si on se retrouve sur le bien-être social, est-ce que c'est mieux? C'est pas nécessairement mieux puisque on veut pas qu'il nous vienne de l'argent, mais on va aller le chercher où? Dans les poches de tout le monde. Hein? Ou bien on va être obligé d'aller mendier dans la rue, puis on va aller encore le chercher dans les poches des autres. Alors de toute façon, on est confronté au problème d'avoir donc ces ressources pour pouvoir agir de telle sorte que il n'est pas mauvais dans cette philosophie que de prier, en quelque sorte, pour de l'argent, c'est-à-dire se mettre dans des dispositions qui ne soient pas au moins contraires à l'argent, mais qui soient réceptives à cette force qui nous permettra des transactions, des échanges, une croissance et une action dans le monde. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Ben, c'est celui que je vous ai identifié tout à l'heure en vous disant l'argent, c'est une force astrale. Hein? Si vous voulez avoir des émotions exacerbées, si vous voulez avoir une réunion de groupe agitée, faites une réunion sur l'argent. Vous allez voir même les gens les plus paisibles, même les gens qui, à l'extérieur, semblent être comme Saint Paul face aux événements, c'est-à-dire que rien ne les émeut, face à la question de l'argent, ils vont réagir. Bon. L'argent éveille en soi des forces très puissantes parce que l'argent représente sur la Terre le principe de l'astralité, c'est-à-dire représente le principe de l'émotion. Représente positivement le principe d'action, mais par contrepartie, le principe de l'émotion, le principe de cette force justement qui ébranle chaque homme parce que on est malheureusement pas rendu à une totale pureté de ce corps émotionnel. Donc lorsque il est simplement question d'argent, lorsque on fait simplement voir un billet de banque, bon, évidemment il y en a qui c'est plus fort, Séraphin tout à l'heure, évidemment, lorsqu'il voit son billet de banque ça le rend presque fou, mais à divers degrés, on va avoir une attraction émotionnelle par rapport à l'argent et une réaction émotionnelle à l'intérieur par rapport à cet argent. Parce que l'argent a, justement, porte et vecteur de ce principe d'action qui est ce principe de l'astral. Maintenant, chose importante aussi, vous connaissez le vieil adage qui dit qu'on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Je viens de vous dire que les maîtres de l'Himalaya enseignent de prier pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, comment concilier ça? Eh bien, voici, c'est que l'argent est une dimension astrale, mais dans l'astral, vous savez, il y a deux grandes régions particulières. La première région, on l'appelle dans les mouvements occultistes le haut astral, le monde du désir supérieur, peu importe, le haut astral dans lequel résident les messagers de Dieu, résident les instructeurs, résident les anges, résident les forces célestes, les forces divines. Ce haut astral, on l'appelle, lorsqu'on parle des relations d'échange entre les hommes, Dieu. Le bas astral, qui renferme ce qu'on appelle le kinome, c'est-à-dire le monde des ténèbres, toutes les entités démoniaques, sataniques, lucifériennes, etc. Ce monde du bas astral, on l'appelle du nom de Mammon, parce que Mammon, c'est l'intelligence rectrice, bon, au niveau notamment des relations d'échange entre les hommes. Alors, on l'appelle du nom de Mammon. Tout à l'heure, je vous disais, les Templiers avaient pour rôle de rendre plus abstrait l'argent, mais ils avaient aussi un rôle qui est totalement inconnu, dont personne n'a jamais parlé, qui était un rôle d'exorcisme. Les Templiers avaient été mandatés par la Grande Loge Blanche, c'est-à-dire les chefs de ce monde, le gouvernement invisible de Charon, tout ça, avaient été donc mandatés par les maîtres de la Grande Loge Blanche pour faire une chose très importante, pour faire un exorcisme de l'argent. C'est-à-dire pour chasser de l'argent ou neutraliser dans l'argent le bas astral et le rendre totalement spirituel. Alors évidemment, sur le plan extérieur, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire de prendre l'épée contre Clément V. Hein? Ça voulait dire surtout prendre l'épée contre Philippe le Bel, qui était le roi de France et qui, lui, servait Mammon, un peu comme Clément V. Alors, il devait combattre les puissances de ce monde, si on veut, ceux qui contrôlaient cette dimension, cette basse dimension de l'argent. C'est d'ailleurs pourquoi les Templiers ont échoué. D'ailleurs, pourquoi les Templiers ont été dissous, c'est qu'il y avait des hommes à l'intérieur qui n'étaient pas préparés à faire ces exorcismes et qui se sont laissés tranquillement illusionner par la dimension du bas astral de l'argent et qui sont devenus simplement des villes manipulateurs d'argent. On connaît comment les Templiers ont fini, malheureusement, avec... c'était pire que les banquiers du 19e siècle. Bon. Ces deux dimensions au niveau de l'argent, eh bien, ça explique toutes les positions qui sont prises actuellement, par exemple, dans les écoles spirituelles, dans les écoles religieuses, où on refuse de faire du commerce. Vous savez, j'ai commencé dans l'ésotérisme avec une âme très, très pure et très innocente. Et j'avais reçu la visite, j'étais rosicrucien à l'époque, j'avais reçu la visite d'un templier de Québec. Ça m'impressionnait, évidemment, un templier qui venait me rencontrer. Hein, c'était pour me demander de l'argent, de toute façon. Mais, je le savais, mais ça m'impressionnait quand même. Jusqu'au moment où il m'a appelé de Sherbrooke parce qu'il savait plus où se rendre. Alors, j'ai dit, tiens, il n'y a pas la science infuse, il ne sait pas comment se rendre chez nous. Première déception. Deuxième déception, il me dit, je suis chez Saint-Hubert Barbecue. Il m'a dit, tiens, les néo-templiers. Évidemment, je comprendrais monsieur, madame Homo Erectus, mais un templier quand même. Bon, il était chez Saint-Hubert Barbecue. Alors, pour moi, qui était innocent et qui croyait qu'il n'y avait que le végétarisme pour être un homme sain et spirituel, ça m'a un petit peu surpris. Quoique, lorsqu'il est arrivé chez moi, on a discuté un peu, et puis il m'a dit, mais écoute, c'est normal que dans un ordre templier, il y a une cotisation. C'est pas normal qu'il y ait une cotisation. Moi, je trouvais pas ça normal parce que je dis faux. C'est pas vendre. On peut pas vendre des enseignements spirituels, ça se fait pas. Alors, il m'a dit, on vend pas les enseignements, on vend les monographies. Parce qu'il était rattaché à une autre école qui diffuse à grand frais des monographies. Alors, on vend nos monographies, on vend les frais de poste, on vend, bon, des choses matérielles, on vend pas l'enseignement. Je lui ai dit, ben moi je suis rosicrucien, j'ai jamais payé de cotisation. Alors il m'a dit, ah bon? Alors vous êtes pas rosicrucien à mort? Je lui ai dit, non, je suis pas rosicrucien à mort, je suis rosicrucien à tel. Il me dit, ah, mais cette école-là, c'est pas surprenant, ils font leur argent avec leurs livres. Alors, je me suis assis, je connaissais pas l'administration de l'école à ce moment-là, j'ai dit, ah, est-ce qu'ils font de l'argent avec leurs livres? Bon. Et puis, tard, je me suis rendu compte que, de fait, il y avait une certaine activité commerciale autour des livres. Eh bien, voilà. Hein? Il y a cette activité commerciale qui, tranquillement, sous des couverts qui apparaissent légitimes au départ, s'infiltre dans les écoles spirituelles de telle sorte que, bon, c'est pas négatif, sauf que ça introduit l'énergie du bas astral, qui est une énergie de domination. Parce que si on voulait qualifier les deux énergies, on dirait en haut, le haut astral, c'est les énergies de service. En bas, c'est les énergies de domination. Bon. Si vous faites du commerce, c'est-à-dire si vous commencez une relation commerciale d'échange avec de l'argent, à l'intérieur d'un système quelconque, vous ne faites pas le mal. C'est évident. Hein? Bon, je vends des revues, je vends des cassettes, je pense pas faire le mal du tout. Hein? Vous faites pas le mal, mais vous êtes à un certain taux vibratoire. Vous utilisez les lois du commerce, qui sont les lois actuellement dirigées dans l'invisible par la Gartha, c'est-à-dire par le gouvernement de la domination. Autrement dit, votre billet, votre pièce de monnaie, qui était un talisman pur au départ, lorsque vous la donnez à quelqu'un contre échange de quelque chose, vous entrez dans une relation de conséquentialité. Vous savez combien depuis des mois ici, à chaque conférence, je vous dis, il n'y a pas seulement la conséquentialité, il n'y a pas seulement la logique de Spock, hein, mais il y a aussi le don gratuit, il y a aussi le fait que l'homme supramental ou l'homme christique ou l'homme amoureux, bon, il y a des gens de Québec ce soir ici, on veut dire l'homme christique, bon, le fait que l'homme christique qui s'exprime à l'intérieur d'un individu, eh bien, va faire en sorte de relever cette loi et de dire, cette loi d'échange dont vous voulez que je parle ce soir, ce n'est pas tout. Et on peut briser cet échange. On peut briser cet échange en prenant un billet de 5 $ et en le donnant à quelqu'un, sans qu'il nous donne absolument rien. Hein? Ça, c'est l'exemple d'une personne qui va à l'oratoire Saint-Joseph, pourquoi je prends cet exemple-là, c'est que je suis passé proche tout à l'heure, va à l'oratoire Saint-Joseph prendre de l'argent. Il y a deux possibilités. Ou bien elle met de l'argent dans le tronc en se disant, je veux que ma grand-mère sorte du purgatoire, ou je veux obtenir telle bénédiction. Alors là, elle est dans le commerce, relation commerciale. Bon. Ou bien elle prend de l'argent, la met dans le tronc, puis elle dit, ben, il faut bien qu'ils entretiennent l'oratoire, qu'ils logent les prêtres, etc. Elle le donne sans vouloir avoir rien en retour. Les deux choses sont très différentes. Lorsqu'elle le donne gratuitement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une alchimie de l'argent. C'est-à-dire que la dimension du bas astral, qui était une dimension de domination, qui était une dimension reliée, bon, traditionnellement à ce qu'on appelle mammon, peu importe le terme, eh bien, cette dimension-là est exorcisée. Elle est exorcisée parce que vous ne la nourrissez pas. Lorsque vous donnez votre billet de banque, ce n'est pas uniquement dans une relation mentale d'échange, mais c'est quelque chose de totalement gratuit, de totalement amoureux. Donc, la dimension qui n'est pas en harmonie avec cet amour disparaît. Alors, vous alchimisez le billet de banque. C'est pourquoi une école spirituelle ne peut pas faire de commerce, ne peut pas vendre quoi que ce soit. Ouais. Sinon, on justifie tout. Hein? Sinon, on justifie la cotisation. Si vous vendez un livre avec une petite marge de rien, mais c'est juste une petite marge de rien, vous pouvez justifier la cotisation en disant, ben, faut bien payer nos cours, faut bien payer nos frais postaux, faut bien payer ceci, cela. Vous justifiez également de faire des séminaires ou des conférences en chargeant de l'argent. Pour une école spirituelle, ça se fait pas. Pour un centre comme ici, c'est nécessaire. Pour une école spirituelle, ça se fait pas. Mais vous allez dire, c'est pas l'enseignement qu'on vend, c'est la chaise. C'est le local qu'on est obligé de louer, c'est les affiches qu'on est obligé d'envoyer, etc., etc. On justifie donc toujours. Ce qui fait qu'on est dans cette dualité, dans ce déchirement, en se disant, d'une part, il y a les écoles spirituelles, initiatiques. Moi, je qualifierais là les écoles religieuses et initiatiques, qui ne peuvent pas utiliser ce mode de l'échange, mais qui travaillent uniquement au niveau de la loi d'amour, donc d'un pur transfert d'énergie qui n'a pas une conséquence. Et puis, il y a tout le reste. C'est-à-dire, il y a tout le monde dans lequel on vit, avec lequel on doit travailler, et on doit travailler de manière intelligente aussi. C'est-à-dire que on fonctionne dans un cadre d'une certaine manière, mais il faut reconnaître que dans certains autres cadres, il faut fonctionner de manière à être intégré à ce cadre. Sinon, ça fait pas de sens. Sinon, vous devenez des gens qui, justement, au nom de la spiritualité, au nom de quelque chose du genre, vont pas pouvoir survivre dans la vie, vont traîner les rues, etc. Donc, il faut bien placer les choses. D'une part, sur un plan, disons, spirituel initiatique, payer quelque chose, c'est ce qu'on appelle de la simonie. Bon, depuis que Simon le magicien avait demandé au premier pape, Saint-Pierre, de lui vendre ses pouvoirs. Hein, il m'a demandé de vendre ses pouvoirs. Saint-Pierre avait refusé, évidemment. Depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on parle de vendre une initiation, de vendre un pouvoir, de vendre une formation mystique ou ésotérique, on dit c'est simoniaque. Hein? Lorsque vous envoyez votre 10 $ à l'église pour faire chanter une messe pour telle personne, c'est simoniaque. Non seulement c'est simoniaque, mais c'est sacrilège. Non seulement c'est sacrilège, mais la messe est invalide et nulle. Alors, vous avez beau faire chanter 10 000 messes à 10 $ vous n'aurez aucun résultat. Parce que sur ce plan-là, qui est le plan de l'amour, on ne peut pas marchander. Vous comprenez l'idée, je pense. Je pense que là, je viens de la voir, d'ailleurs. Je le comprends. Je viens juste de la comprendre moi-même. C'est le marchandage. On n'a pas le droit, dans le plan initiatique de marchandises. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de fonctionner selon cette fameuse loi d'échange. Et si on fonctionne selon cette loi d'échange, on entre dans le schéma arimanien, à la limite, de ce fameux raisonnement comptable dans lequel on n'est pas capable de sortir. Mais si on met ça de côté, parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais il fallait le signaler quand même parce que c'est important de le savoir, qu'on met de côté la simonie, eh bien, reste justement cette dimension de l'échange, cette dimension des transactions qui sont faites justement avec cet argent. Et ces transactions faites avec cet argent sont faites la plupart du temps dans nos pays occidentaux avec des billets de banque. Alors, j'en ai apporté un que Mario m'a donné la semaine passée. Tu vois pas qu'il influence pas mes conférences. Un billet de banque est un nouveau billet de banque de 5 $ qui est sorti vers le cinquième mois de l'année 1986. Cinquième mois, hein, c'est le mois de Marie, c'est le mois de mai. C'est pas sûrement pas ce que Mario aurait dit, mais enfin, c'est important. Et c'est l'année internationale de la paix. Donc, il doit avoir une signification. C'est un billet de 5 $ le cinquième mois. Encore une fois, sur le plan numérique, une certaine forme de signification. Alors, on regarde ce billet-là, et qu'est-ce qu'on y découvre? Eh bien, on découvre une chose qui est fondamentale. C'est que les billets de banque, c'est-à-dire, parce que c'est beau de parler des lois de l'échange, mais on se sert de quelque chose de particulier, qui est un billet de banque, pour faire cet échange. Alors, ce que la caissière vous remettra prochainement chez Eaton, ce billet de 5 $ bien, vous le regarderez et vous verrez que c'est pas seulement une bête abstraction, mais que ça symbolise le degré d'évolution spirituelle du pays, de la nation où vous vous trouvez. Que ça symbolise l'état de conscience vers lequel tend une nation, par exemple, et l'état de conscience recherché par son gouvernement. Alors, si vous regardez ce billet de 5 $ vous allez découvrir ici, sur la face, sur le recto, vous allez découvrir des ondulations. Hein? Des ondulations qui sont tout à fait celles de la symbolique du signe astrologique du Verseau. Ondulations. Exactement ces ondulations que vous retrouvez là. En plus, vous retrouvez des couleurs qui sont primordiales. Le jaune, le rose, le violet. Couleur de la spiritualité. Couleur de l'abstraction, couleur du chakra coronal. Bon, ça, écoutez, il s'agit de voir simplement, puis c'est pas une invention des écoles d'ésotérisme. Vous pouvez le voir, ce chakra coronal, bon, qui est violet. Eh bien, donc vous avez ces couleurs de spiritualisation, ces couleurs d'ondulation, c'est-à-dire d'électrification de l'air. Donc, une tendance vers l'air du Verseau. D'autre part, le billet lui-même semble être dépourvu, comme les anciens billets en étaient pourvus autrefois, d'espèces de frontières, d'espèces de cadrages très sévères. Il y a pas de cadrage sévère ni sur le recto, ni sur le verso. Mais alors là, le verso, c'est intéressant. Parce que le verso, autrefois, c'est le verso, justement, autrefois, c'était un bateau de pêche. Je crois que j'en ai un aussi. C'est pas que j'ai beaucoup d'argent. J'en ai pas dans mon compte de banque, j'en ai un petit peu dans mon porte-monnaie. Parfait. Vous avez donc sur l'ancien billet de banque, on s'est arrangé avec le gars des vues pour les 200 piastres, hein. Avec le verso, donc, vous avez le bateau de pêche avec de l'eau, évidemment. Comme vous allez retrouver ici sur le nouveau billet de 5 $ de l'eau. Hein, vous avez de l'eau. Mais il y a une chose intéressante à remarquer. C'est que là, il y a un bateau. Qu'est-ce que ça vous fait penser, un bateau? Moi, évidemment, avec mon petit côté traditionnaliste rose-croix, comme dit Richard, eh bien, ça me fait penser à Saint-Pierre. On peut penser au premier pape. Ça me fait penser à la pensée des poissons. Parce que à quoi ça sert, ce bateau-là? Ben, vous voyez les filets, bon, vous les verrez sur vos anciens 5 $ on jette des filets de pêche. C'est symbole de l'ère des poissons. Alors, tandis que vous payez votre engrais pour votre jardin, parce que c'est le temps de fertiliser. Vous payez votre engrais pour votre jardin avec vos billets de 5 $ Qu'est-ce que vous faites? Vous manipulez, vous conscientisez, même de manière inconsciente, ce bateau, cette eau. Vous avez un archétype, ce qu'on appelle un archétype ou un symbole, qui entre dans votre conscience. Et ça vous harmonise à cette ère des poissons. Ça vous harmonise à cette idéologie de péché. Donc, bon, cette idéologie de l'ère des poissons. Celle-ci, qu'est-ce qu'on retrouve? Plus, il n'y a plus de bateau. Il y a un oiseau. Or, on n'invente rien en disant que l'oiseau est le symbole des messagers de l'invisible, le symbole des messagers des dieux. Pensez à la colombe dans notre tradition judéo-chrétienne. Pensez à Quetzalcoatl, hein, dans la tradition dont vous parle Daniel Kemp. Pensez aux différents oiseaux qui vont se retrouver en Égypte, par exemple le cercle, le soleil rat ailé. Bon, vous allez toujours retrouver l'idée d'oiseau comme symbole de ces messagers des dieux. Or, on sait très bien en ésotérisme que l'ère du Verseau va nous mettre en contact avec quelque chose de différent. Durant l'ère des poissons, c'était avec des poissons qu'on était en contact. Les poissons, c'est les hommes, c'est le règne humain. Durant l'ère du Verseau, ce sera avec les anges, c'est-à-dire avec ces messagers sur les plans subtils de la divinité, symbolisés par des oiseaux. Alors, vous avez une idée d'ère du Verseau avec cet oiseau qui est là et avec beaucoup d'autres choses dont j'ai pas... Donc, on pourra peut-être parler plus tard si vous avez des questions. L'eau, par exemple, qui change de couleur. Ici, évidemment, puisque la dominante du billet est bleue, mais c'est sûrement pas un hasard, l'eau était bleue. Ça se comprend. L'eau n'est pas bleue ici. L'eau est jaune-orange. L'eau est violette. Est-ce que c'est compréhensible que de l'eau soit violette ou jaune-orange? Peut-être avec des retombées radioactives quelconques, mais disons que c'est pas l'idéal. Donc, ça doit être symbolique, cette affaire-là. Pourquoi on a mis l'eau orange? Pourquoi on l'a mis violette? Prenons juste ces deux couleurs-là. Le violet, encore une fois, c'est cette couleur au terme du spectre électrovisible, spectre électromagnétique visible. Au-delà de ça, c'est l'invisible, l'ultraviolet. Bon, c'est pourquoi c'est pas un rapport nécessaire, mais c'est aussi la couleur qui se retrouve au chakra coronal de l'individu, symbolisé par la calotte épiscopale dans l'Église. Alors, ce violet, c'est la couleur de la spiritualisation. L'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, en tradition et dans toutes les imageries. Puis, vous n'avez pas besoin d'être traditionnaliste ou de connaître par cœur votre dictionnaire des rêves pour ça. Quand vous rêvez la nuit et puis que vous voyez de l'eau, ça symbolise des émotions. Peu importe que vous le sachiez ou non. C'est ce que Carl Gustav Jung, si on veut parler dans des termes contemporains, a découvert au niveau de ses archétypes en psychanalyse. Et c'est ce qu'on utilise toujours en science, c'est-à-dire qu'il y a des images archétypales dans l'invisible dont on ne sait pas nécessairement la signification, mais qui ont une profonde influence, pardon, sur notre inconscient. Alors, Carl Gustav Jung a démontré ça, c'est pas la peine de vouloir aller plus loin dans ce domaine-là, mais l'eau, donc, symbolise les émotions. Spiritualisation des émotions de l'eau violette. De l'eau orange, c'est dynamisation de cet émotionnel, donc c'est dynamisation du pouvoir monétaire de l'homme. Vous avez eau orange, parce que la couleur orange, c'est la couleur du prana, c'est la couleur de l'énergie solaire. Bon, alors couleur orange, vous voyez de l'herbe, il n'y avait pas d'herbe, là il n'y avait que de l'eau. Là, il y a de l'herbe qui pousse et curieusement, bon, évidemment c'est un peu normal, vous allez me dire, l'herbe est verte. Hein? Alors, lorsque vous allez voir dans son cabinet un taratologue, Madame Minou ou d'autres, et puis qu'elle étend ses cartes du tarot devant vous, et puis qu'elle tombe sur la carte de la lune. Hein? Eh bien, il y a une masse d'eau, et puis il y a des petites gerbes d'herbes vertes qui poussent. Alors, elle va vous dire, vous êtes en train d'opérer une régénération, une purification de vos émotions. Parce que le vert symbolise la pureté, symbolise la résurrection, symbolise le retour à la vie au printemps. Et puis vous voyez, et puis regardez bien sur cette carte. Et là, on est tout émerveillé parce que c'est des mystères anciens. Regardez sur cette carte, il y a du vert qui pousse. Eh bien, c'est ça que ça signifie, régénération, transmutation de vos émotions, de votre pouvoir sentimental. Bon. Et puis quand on a notre 5$, on s'empresse de le mettre dans notre poche et de pas s'en occuper. Alors que c'est un talisman tout aussi puissant, évidemment, que la carte du tarot de la Lune. Hein? Pourquoi aller chercher, bon, évidemment, c'est intéressant, aller chercher les vieux symboles alors qu'on en a à la portée de la main? Eh bien, ça, lorsque vous le portez sur vous, il a le même effet que les phylactères avaient du temps des premiers chrétiens. On prenait une parole de l'Évangile, on l'écrivait, on la portait sur soi, ça avait un pouvoir de talisman, de protection. Parce que vous portez ça sur vous, ça vous influence vibratoirement à ce passage vers l'ère du Verseau, à cette transmutation de vos émotions et à cette dynamisation de votre pouvoir d'action symbolisé par le orange. Et on pourrait aller très loin dans les archétypes plus matériels. Mario me faisait remarquer que lorsque vous voyez ce Martin pêcheur, bon, semble-t-il que pour retrouver un Martin pêcheur, vous sentez. Hein, parce qu'il fait... Mais ça, c'est, je le dis sous toute réserve, c'est Mario qui m'a dit ça la semaine passée. Vous sentez. Hein? Et puis, semble-t-il, ça sent très mauvais un nid de Martin pêcheur parce que ce serait fait avec des résidus de poissons qui pourrissent, bon, qui dégagent une certaine chaleur, mais en même temps, une certaine odeur. Donc, quand vous voulez retrouver un Martin pêcheur, ça sent mauvais. Mais ça, c'est une parenthèse inutile, disons. Tout ça pour vous dire que Mario me faisait remarquer que c'est comme si ce Martin pêcheur était aux USA et que la frontière canadienne était derrière. Vous voyez, c'est marqué Canada derrière les montagnes. Comme si on était aux États-Unis, dans une scène des États-Unis, derrière, c'est le Canada qui commence. Ça vous fait pas? Et puis, il n'y a plus de frontières. Regardez les brins d'herbe. Hein, ils vont jusqu'à ce qu'on coupe le billet. Hein, ce qu'on peut donc penser que si on n'avait pas coupé le billet, mais il fallait bien le couper, l'herbe aurait continué. Donc, il n'y a pas de notion de frontière. Eh bien, en regardant ça, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser au projet Brian Mulroney et Ronald Reagan, libre-échange canado-américain. Vous avez ça dans votre poche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, inconsciemment, par le fait de l'imprimer, par le fait de le regarder, par le fait de l'utiliser, vous préparez l'archétype du libre-échange canado-américain. Alors, vous voyez comment c'est subtil, et c'est pourquoi il serait très intéressant de faire une analyse ésotérique des billets de banque des différents pays, des différentes époques, et on verrait l'état de spiritualité ou l'état d'évolution vibratoire des individus à telle et telle époque, dans tel et tel pays, en rapport avec les images qu'il y a sur les billets de banque, et également sur les timbres-poste, ce qui veut dire que mais à une moins grande échelle, si on veut, au niveau des timbres-poste. Vous imprimez toujours la reine sur vos timbres-poste ou le roi. Vous avez une relation monarchiste, vous avez une relation qui est juste sur un plan ésotérique. Vous mettez à imprimer des Pierre Laporte, des gens comme ça. Ça change la conscience au niveau du timbre-poste, au niveau de toute votre loi d'échange. Alors, dans les échanges, c'est ce que je voulais signaler en terminant, dans les échanges, il faut voir les outils utilisé pour l'échange. Et dans ces outils-là, il y a de représenter les archétypes du travail que l'échange va amener. Parce qu'on n'échange pas pour échanger. On échange pourquoi? On échange pour avancer. Le libre-échange entre le Canada et les États-Unis, c'est pour avancer, c'est pour aller vers un au-delà, c'est pour passer dans une action élargie. Bon. Alors, l'échange avec un individu, c'est toujours dans ce sens-là. C'est toujours un sens d'augmenter son potentiel, d'aller plus loin, de cheminer davantage dans son évolution. Et, évidemment, les outils utilisés, eh bien, ce sont ce type de symboles. Alors, tout est important. Les moindres détails sont importants. Le fait que ça soit imprimé après la catastrophe de Tchernobyl et après le bombardement de la Libye par Ronald Reagan, eh bien, ça a une signification. Ça vient... À...